La Société de mesure des droits de l'homme en Corée du Sud a publié le 14 l'information d'enquête sur une partie de l'état de violation sérieux des droits de l'homme au sein de l'armée sud-coréenne. À l'occasion de la révélation du maltraitement des soldats par le commandant d'opération numéro 2 des forces terrestres sud-coréennes, gagne son ampleur la campagne pour condamner les violations sérieuses des droits de l'homme au sein de l'armée. Rappelons que la dernière affaire des soldats traités comme esclaves n'est qu'une partie des violations des droits de l'homme perpétrées couramment dans l'armée sud-coréenne. Sous le titre « Les catastrophes des droits de l'homme produites par le courant de la peur extrême à la guerre et à l'armée », champ d'exposition des violations des droits de l'homme plein de dictates et de violences, et les crimes des droits de l'homme stimulés par la couche supérieure de l'armée sud-coréenne, l'information dénonce les détails pitoyables de la violation des droits de l'homme au sein de l'armée sud-coréenne. À l'heure actuelle, les autorités sud-coréennes mettent scélératement en cause le problème nucléaire et celui des droits de l'homme dans notre république, au lieu de s'occuper du problème des droits de l'homme sérieux de leur pays, et s'adonnent à la campagne du fratricide avec la réforme de la défense nationale qui ne leur convient même pas. La population sud-coréenne ne pardonnera jamais les fanas de confrontation et les criminels des droits de l'homme qui fomentent la manie de guerre d'agression contre le Nord pour faire de nombreux jeunes la chair à canon et foule sans merci au pied leurs droits. Elle finira par faire payer cher leurs crimes.